Je suis jeune et j'ai la foi. Oh Allah, guide-moi. Mon passé me déçoit. Oh Allah, pardonne-moi. J'ai envie de me reconstruire, l'envie aussi de te servir. J'ai pris conscience qu'il faut agir, car un jour je devrais partir. Chaque jour qui passe, je découvre Dieu, et je lève mes mains vers les cieux. Dans l'obscurité de la nuit, je pleure et me confie à lui. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salawatullah alayhi wa sallam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salawatullah alayhi wa sallam. Je me rends compte du cadeau maintenant que Dieu m'a fait d'être musulman. Je sens l'amour au fond de moi, un cœur rempli d'espoir et de joie. Maintenant je le sais, je me rends compte du mal que j'ai fait. Oh maman, oh papa, oh vraiment pardonnez-moi. Inconscient je l'étais, vous verrez ça va changer. C'est l'histoire d'une vie, et peut-être la tienne. Alors écoutez, jamais n'oublie que tu n'es pas tout seul à souffrir en silence, et qu'Allah est toujours là tout près de toi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.